إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Chers frères et sœurs, lors du cours précédent, nous avons parlé du mérite du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, et plus particulièrement des adhkar du matin et du soir. Et nous avons vu l'importance pour le musulman d'être assidu aux invocations du matin et du soir, mais aussi de les prononcer d'un cœur présent, en méditant sur leur sens et ne pas se contenter de les prononcer machinalement d'un cœur distrait et insouciant. Et c'est pour cela que nous allons commencer dès aujourd'hui à voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, l'explication des sens des différentes formules de rappel à prononcer le matin et le soir, et ce, comme nous l'avons dit lors du cours dernier, en nous basant sur les invocations mentionnées dans le livre intitulé « Hisnul Muslim », la citadelle du musulman, qui est l'œuvre du Cheikh Saïd ibn Ali al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Il commence donc le chapitre au sujet des adhkar du matin et du soir en disant « Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Louange à Allah seul, et que la prière et le salut soient sur celui après qui il n'y a plus de prophète. » Cette phrase, en réalité, elle ne fait pas partie intégrante des adhkar du matin et du soir. Mais il se peut que l'auteur, rahimahullah ta'ala, ait voulu que le musulman commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala et par prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de commencer ses adhkar. Et il se peut, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, qu'il se soit basé pour cela sur la généralité des textes démontrant la recommandation de commencer l'invocation par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullahu ta'ala a dit: les savants sont unanimes sur la recommandation de commencer l'invocation par les louanges et les éloges d'Allah, puis la prière sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on clôture l'invocation de la même manière. Fin de citation de la parole de Nawawi rahimahullahu ta'ala. Donc lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, de manière générale, il est recommandé de faire précéder ton invocation par les louanges et les éloges d'Allah. Puis ensuite tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu invoques. Et une fois que tu as fini d'invoquer, il est également recommandé que tu clôtures ton invocation de la même manière, par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les louanges et les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné al-isti'adha, qui consiste à dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et il a mentionné ayat al-kursi, qui est le verset 255 de surat al-Baqarah. Donc lorsque tu récites le Coran, que ce soit en prière ou en dehors de la prière, il est légiféré pour toi de commencer par al-isti'adha, la recherche de refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable. Et ce, d'après la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit au verset 98 de surat al-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Cherche refuge auprès d'Allah contre le diable. Il est donc légiféré, avant de commencer à réciter Ayat al-Kursi, que ce soit lors des adhkar du matin et du soir, ou lors des adhkar après les prières obligatoires, ou avant de dormir et ainsi de suite, de faire précéder la récitation par al-isti'adha, en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Quant à la basmala, le fait de dire « Bismillahir Rahmanir Rahim », elle n'est légiférée que lorsque tu commences la récitation d'une sourate dès son début. C'est pour cela qu'on la prononce avant la lecture de chacune des sourates protectrices, comme on le verra dans le prochain cours, inshallah ta'ala. Mais on ne la prononce pas avant de réciter Ayat al-Kursi. Nous allons donc voir aujourd'hui l'explication de ce verset immense qui est le verset le plus immense du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa récitation est légiférée lors des adhkars du matin et du soir, mais aussi avant de dormir, et après les prières obligatoires, car ce verset est un verset immense, et il a un grand mérite. Il est venu dans le hadith authentique que la réciter le matin et le soir est une cause pour obtenir la protection et la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal des démons. Celui qui la récite le matin est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au soir. Et celui qui la récite le soir est sous sa protection jusqu'au matin. Et il ne fait aucun doute que celui qui est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a vraiment rien à craindre des créatures. Il convient donc à tout musulman ayant connaissance de ce mérite d'être assidu à la récitation de ce verset matin et soir, et de ne pas négliger cela. Car comme on l'a dit dans le dernier cours, nombre de personnes se plaignent d'être touchées par nombre de mots, nombre de méfaits, notamment les mots occultes. Mais nombreux sont ceux à ne pas faire les causes pour être préservés de cela. Et parmi ces causes, qui sont très simples, et qu'il ne convient pas de négliger, il y a le fait de réciter ce verset matin et soir. Donc ne néglige pas cela, et tu seras sous la protection et la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset a un rang éminent en raison de tout ce qu'il comprend comme preuve de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses éloges et sa glorification. Et ce verset comprend 5 des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala: Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali et Al-Azim. Et il comprend également plus de 20 de ses attributs. C'est pour cela que Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui comprend ce qui est compris dans Ayat al-Kursi. C'est donc pour cela que c'est le verset le plus immense du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset comprend 10 phrases dont nous allons voir les sens une à une, inshallah ta'ala. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala commence ce verset en disant: Allahu la ilaha illahu. Allah, il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf lui. On voit donc que ce verset commence par la mention de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et l'attestation qu'il est le seul en droit d'être adoré. Et cela signifie que l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration vaine. Et celui qui voue ne serait-ce qu'une seule adoration, que ce soit une prière, une invocation, un vœu, un sacrifice ou toute autre adoration, quelle qu'elle soit, celui qui voue ne serait-ce qu'une seule adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'avoue à un ange, à un prophète, à un saint, à un wali, à une tombe, à un mausolée ou à toute autre chose, alors il se rend coupable du plus grave des péchés qui est le shirk, et s'il meurt sans s'être repenti de ce péché, alors celui-ci ne lui sera pas pardonné, et le paradis lui sera interdit, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 48 de Surat An-Nisa: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. En vérité, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, quelle que soit cette chose qui lui est associée, même si c'est un ange rapproché ou un prophète envoyé, même si c'est une personne vertueuse. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et il dit subhanahu wa ta'ala au verset 72 de Surat al-Ma'idah: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Quiconque associe à Allah autre que lui, quiconque invoque autre qu'Allah, fait un sacrifice pour autre qu'Allah, fait un vœu pour autre qu'Allah, se prosterne pour autre qu'Allah, quiconque associe à Allah autre que lui, alors Allah lui interdit certes le paradis. Le paradis est pour lui muharram. Il ne pourra pas y entrer. Et son refuge sera le feu de l'enfer. et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence ce verset, qui est le verset le plus immense du Coran, par la parole du Tawhid, l'attestation qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf lui. Et c'est à ce message qu'ont appelé l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhim salatu wassalam. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala, Al-Hayyul Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Hayy et Al-Qayyum sont deux des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils comprennent tous deux la perfection de l'ensemble des attributs et des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La perfection de ses attributs est comprise par son nom Al-Hayy, le vivant. Et la perfection de ses actes est comprise par son nom Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala est donc Al-Hayy, il est le vivant, c'est-à-dire d'une vie parfaite. Et ceci comprend l'ensemble des attributs relevant de l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exemple de l'ouïe, la vue, la science, la puissance, la grandeur, la noblesse, et autres parmi les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant d'une vie parfaite, ne comprenant aucun manquement ni aucun défaut. Et il est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se passe de l'ensemble de ses créatures. Il n'a besoin de personne parmi nous. Alors que nous, nous avons besoin de lui. C'est lui qui nous fait subsister. Et toutes les créatures ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut, de tout manquement, de toute faiblesse, de toute imperfection. Il n'est donc touché ni par le sommeil, ni par la somnolence. Car ce sont deux choses qui s'opposent à la perfection de ses attributs. Et ce sont des choses qui ne touchent que les créatures qui sont affectées par la faiblesse, l'incapacité d'imperfection, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui est exempt de tout défaut et de tout manquement. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala, « Lahu ma fis samawati wa ma fil ard » À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici que toutes les créatures sont asservies à lui, et toutes les créatures sont sous son autorité et sa domination. Il détient la souveraineté absolue des cieux et de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala étant le souverain absolu, il nous incombe donc de n'agir dans son royaume que de la manière qu'il agrée de nous, de ne pas agir comme bon nous semble, mais seulement d'une manière agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu vis dans son royaume, tu vis sous son autorité, tu dois donc te soumettre à ses ordres en les accomplissant, et également à ses interdits en les délaissant et en t'en écartant, car tu te trouves sous son autorité subhanahu wa ta'ala. Et le fait de savoir que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est un apaisement pour le croyant, surtout lorsque tu fais face à des difficultés. Tu dois te rappeler qu'il ne peut se produire dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et tu te rappelles que tu es sous son autorité et sa domination. Rien ne peut se produire si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Également, tu ne peux posséder ici-bas que la part qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura accordée. Et tu dois être satisfait de cela et être reconnaissant pour ce qu'il t'a accordé parmi ce qu'il détient dans son royaume. Et ne pas faire preuve d'ingratitude. Et si tu as une chose à demander, que tu cherches à obtenir une chose, ou à atteindre un objectif, ou quelle que soit ta demande, adresse-la à Allah subhanahu wa ta'ala et ne lie pas ton cœur aux créatures qui sont faibles comme toi et qui ne détiennent rien en réalité. Aussi éminente soit-elle et aussi riche soit-elle, car c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala, « Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih » Qui peut intercéder auprès de lui si ce n'est avec sa permission? Qui peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est avec la permission d'Allah? L'intercession, c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera à certains de ses serviteurs parmi ceux qu'il agrée parmi les monothéistes. Et nul ne peut intercéder sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, raison de sa grandeur et de sa majesté, tu es dans son royaume. Tu n'agis pas comme bon te semble. Mais nul ne peut intercéder sans sa permission subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, au verset 26 de Surat al-Najm, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. Et l'intercession de combien d'anges dans les cieux n'est d'aucune utilité. إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهِ لِمَنْ يَشَاءَ وَيَرْضَى. Si ce n'est après qu'Allah l'ait permis, qu'il ait permis cette intercession, qu'il l'ait autorisée, en faveur de qui il veut et qui l'agrée. C'est-à-dire que nul ne peut bénéficier d'une intercession, si ce n'est une personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis d'intercéder ou de bénéficier de l'intercession. Et ceci est une réfutation des adorateurs de tombes, ceux qui invoquent les morts, les saints et les walis, en prétendant que ces derniers sont leurs intercesseurs et leurs intermédiaires entre eux et Allah. Nous leur disons donc, mais qui leur a donné la permission pour intercéder en votre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? L'intercession est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs, et comme on a dit, parmi les monothéistes. Et nul ne peut en bénéficier alors qu'il fait du shirk, alors qu'il fait le plus grave des péchés et qu'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant autre que lui. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il sait parfaitement ce qui est devant eux, c'est-à-dire leur futur, et ce qui est derrière eux, c'est-à-dire leur passé. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toutes choses. Il sait parfaitement quel est le passé de chaque créature. Et il sait parfaitement quelle est sa situation actuelle et quelle sera sa situation future. Car la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est une science parfaite qui englobe toutes choses. Et rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et de sa science, il ne cerne que ce qu'il veut. Lui, sa science subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Rien ne lui échappe. Mais les serviteurs de sa science, ils ne peuvent cerner que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et ce verset a été interprété de deux manières différentes. La première est qu'on ne peut rien cerner, rien connaître au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est-à-dire que nous ne connaissons d'Allah, de ses noms, de ses attributs et de ses actes, que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous faire savoir. Et nous ne savons pas toutes choses au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne savons que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, ce qu'il a voulu faire savoir à ses créatures et ce qu'il a voulu leur enseigner. La deuxième interprétation est que les créatures ne cernent de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent de ce qu'Allah sait, de ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur faire savoir et leur dévoiler. On ne cerne de ce qui est connu par Allah que ce qu'Allah a voulu nous faire connaître. Il ne fait aucun doute que les choses que nous ignorons sont bien plus nombreuses que celles que nous connaissons. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son kursi dépasse les cieux et la terre. Et ici, j'attire votre attention sur le fait que le kursi n'est pas le trône. Le trône, c'est l'arche. Mais le kursi est l'emplacement des pieds, comme cela est rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et le kursi se trouve devant le trône. Et c'est pour cela que nombre de traducteurs choisissent de traduire ce mot par le repose-pied, car c'est l'emplacement des pieds et il se trouve devant le trône. Et ce kursi est plus vaste que les cieux et la terre. Et le trône est encore plus immense. Et ceci nous démontre l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si le kursi, qui est une créature, est plus vaste que les cieux et la terre, alors que dire de son créateur? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا. Et leur protection n'est pour lui d'aucune peine. C'est-à-dire que la protection et la préservation des cieux et de la terre n'aient d'aucune peine pour Allah subhanahu wa ta'ala, malgré leur immensité et leur grandeur. Et ceci nous démontre une fois de plus l'immensité et la grandeur du Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala. Il a dit au verset 41 de Surat Fatir, إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. وَلَا إِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourrait les retenir. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala et pureté à lui, le meilleur des créateurs. Il est le plus immense subhanahu wa ta'ala. Et il est le plus haut et le plus grand. Et il termine ce verset en disant « Wa huwa al-aliyyu al-azim » Et il est le très haut, l'immense. Et ceci est une preuve de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il détient la supériorité absolue, comme on l'a vu pour ceux qui suivent avec nous les cours sur les noms d'Allah. Et ceci englobe trois choses. Premièrement, la supériorité de rang et de mérite, car Allah subhanahu wa ta'ala détient le rang le plus immense, le plus grand, il est exempt de tout défaut et de toute imperfection, et nul n'est égal à lui parmi ses créatures. Deuxièmement, il détient la supériorité en termes d'autorité, de domination et de pouvoir. Toutes les créatures sont sous son autorité et sa domination, et il a la supériorité sur toute chose, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, il détient la supériorité de son essence, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est élevé. Il s'est élevé au-dessus de son trône. Et le trône est au-dessus de toutes les créatures. Et c'est la créature la plus immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de celui-ci. Et Allah subhanahu wa ta'ala est al-azim, l'immense. Celui qui détient tous les attributs de noblesse, de grandeur et d'immensité. Et c'est pour cela que les cœurs des créatures sont attachés à lui et le révèrent. Et si tu médites sur ce verset, et il est le très haut, l'immense. Tu verras que c'est une mise en garde contre le fait de transgresser à l'égard d'autrui. Car s'il te vient à l'idée d'être injuste envers les autres, d'être pris d'orgueil ou de te sentir supérieur à autrui, alors tu dois te rappeler de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le très haut et l'immense. Al-Ali, Al-Azim. Et ceci te poussera à faire preuve d'humilité. Et à craindre ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Si tu es pris d'orgueil, de vanité, que tu te sens important, ou que tu te sens plus grand, ou plus noble, ou plus méritant que les autres, rappelle-toi de la grandeur, de l'immensité et de la noblesse de ton Seigneur. Et fais preuve d'humilité. Et rappelle-toi que tu n'es qu'une petite créature parmi ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc une explication concise des sens de ce verset qui nous aideront à méditer lors de sa récitation, que ce soit lors des adhkar ou en prière. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala, l'explication des sourates protectrices. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم